Chapitre 13. Il y avait 2 semaines que Paul avait annoncé son départ pour le lendemain. Il n'était pas parti et ne parlait plus de partir. Ce n'était pas qu'il se trouvât heureux à Cotteret, mais il savait qu'ailleurs il serait plus malheureux encore. Il avait rencontré dans cette crise de sa vie un repos provisoire. Sans penser au lendemain, à l'avenir, il jouissait de ce calme relatif. D'ailleurs, le travail, durant une bonne partie de la journée, l'empêchait de penser. Le soir, par une habitude admise et qui lui semblait toute naturelle, il se retrouvait chez Madame de Chalonnes. À 7 heures, le vieil avocat savait à quoi s'en tenir sur l'histoire de Madame Fresnel, de Chérency et de Roxervière. On lui en avait appris la moitié, il avait deviné le reste, d'autant plus aisément qu'il commençait depuis longtemps à soupçonner la vérité. Aussi, refusant tous les autres plaisirs de la brillante ville d'eau, il venait chaque soir chez la comtesse, n'ignorant pas que, sans la présence d'un chaperon comme lui, Paul n'eût pas trouvé la porte de la jeune femme régulièrement ouverte. Peut-être, à une sympathique pitié pour un homme de cœur, portant fièrement sa souffrance, il se joignait chez Sireuil cet âpre dilettantisme de la comédie humaine qui le conduisait à Paris dans les sociétés les plus diverses. Quant à Madame de Chalonnes, elle croyait surtout obéir à un sentiment de justice, un désir de réparation du mal causé par une de ses proches, mais elle sentait au fond, pour Chérency, une admiration qui touchait à l'enthousiasme. Elle le regardait curieusement souffrir, s'étonnant qu'il eût la force de ne jamais se plaindre, de n'accuser personne par la moindre allusion amère. Enfin, pour la première fois de sa vie, elle pouvait mesurer la puissance de l'amour à ses effets terribles. L'amour, comme la guerre, hélas, ne se comprend ni par le récit de ses historiens, ni par les strophes des poètes. Il faut avoir vu les ruines, les larmes, les angoisses qu'il cause. Sur le front de Paul et dans les lettres de Nadia, Claire les contemplait aisément. « Grand Dieu, songeait-elle, ces deux êtres sont vivants. Rien ne les empêche d'être l'un à l'autre, et ils ont le cœur déchiré par des tortures que la mort du meilleur des hommes ne m'a pas fait connaître. » Plus d'une fois, bien qu'elle eût écrit le contraire à Nadia, elle avait été sur le point de céder à la pitié et d'entreprendre le rapprochement de ces deux existences malheureuses. Mais sans parler des scrupules de sa conscience sévère et de l'exquise pudeur de ses sentiments, elle croyait agir dans l'intérêt des deux parties en ne précipitant rien. Elle voulait que Paul se retrouvât en face d'une femme aimante, heureuse de le revoir, forte de son épreuve loyalement subie, et non pas en face d'un être affaissé, tremblant et malade. En attendant, ces soirées de famille, remplies par une conversation sérieuse, rendaient à Paul l'un des biens qu'il avait perdu et dont il sentait le plus la perte, l'intimité. Il supportait mieux, par l'attente de cette heure calmante, les tristesses de la journée, les rêves poignants de ces nuits sans sommeil. Il s'étonnait lui-même de l'engourdissement versé par une douce main de femme à la blessure qu'une autre femme avait faite. Et chaque jour, un peu moins malheureux, un peu plus reconnaissant, il venait chercher le baume salutaire. Qu'adviendrait-il de lui lorsque bientôt il trouverait la porte close? Il tâchait de n'y pas penser. Jamais on ne prononçait le mot de départ. Un soir, chez la comtesse, il remarqua l'excitation extraordinaire de la jeune Marthe, devenue de plus en plus son amie. L'enfant riait en le regardant, courait de sa mère à Lucien Sireuil, leur parlait à voix basse. Quand elle suivit sa bonne pour s'aller mettre au lit, elle embrassa Paul les yeux brillants de joie. « À demain !» lui dit-elle d'un ton gros de promesse. Le lendemain, un peu avant midi, le peintre travaillait comme à l'ordinaire, c'est-à-dire avec rage. Depuis longtemps, il avait abandonné le lac de Gobe, infesté de pseudo-touristes, et s'était réfugié avec son parasol et sa toile dans le vallon de Marcaudeau, à une demi-heure au-delà du pont d'Espagne. Limite des excursions du vulgaire profane. Comme il était plongé dans son étude, un bruit sourd de chevaux sur le velours vert du gazon lui fit lever la tête. Il fronça le sourcil, peu charmé de l'approche de la cavalcade qui venait troubler sa solitude. D'abord paraissait le fouet en bandoulière, un de ses guides d'opéra comique, spéciaux aux Pyrénées, incapables de faire une lieue à pied et de trouver leur chemin dans la montagne, en dehors du sentier suivi chaque jour par leurs bêtes de louage. Ensuite, venait un cavalier moins effrayant par l'audace que par l'inexpérience. Puis, une jeune femme à la taille de reine et une amazone de 10 ans qui prit le galop et piqua droit au parasol. « Eh bien, s'écria-t-elle, j'espère que vous êtes surpris. Vous ne nous attendiez pas. Mais ce n'est pas tout. Nous vous invitons à déjeuner. Nous apportons une masse de bonnes choses, vous allez voir. » La comtesse de Chalonne et Sireuil arrivaient à leur tour. La première, aidée par Paul, sauta légèrement sur l'herbe. Le second s'abandonna doucement dans les bras robustes du guide. Animée par le mouvement du cheval et par l'air vif des hauteurs, Claire était merveilleusement jolie et semblait d'une jeunesse incroyable. Surtout, elle paraissait heureuse et gaie de la gaieté de sa fille dont la santé de jour en jour se fortifiait. Tandis que Sireuil, aidé de la petite Marthe, s'occupait de choisir l'emplacement du repas champêtre et de débarrasser les fontes de leur contenu, Chérency faisait à la comtesse les honneurs de son œuvre à peu près achevée. Claire était une des rares femmes capables de parler sérieusement peinture sans avoir touché de sa vie un pinceau. Elle avait vu beaucoup de bonnes toiles, écouté beaucoup de grands peintres et médité leurs jugements, au lieu de vouloir les étonner par les siens, prétention ordinaire aux jolies femmes, prompte à croire que tout leur est donné, de même que tout leur est permis. En quelques phrases renfermant un discret éloge, elle rendit à Paul un plaisir qu'il ne connaissait plus depuis longtemps et que Nadia ne lui avait jamais procuré, celui d'entendre parler de l'art d'une façon compétente. « Vous venez, dit-il, le visage illuminé de plaisir, d'apporter à ces beautés grandioses la seule chose qui leur manquait, une voix. » Il aurait pu ajouter qu'on lui avait rendu l'appétit, car il fit honneur aux viandes froides. « N'est-ce pas que nous nous amusons ?» s'écriait Marthe, ravie. « C'est moi qui ai eu cette idée. Mais ce n'est pas fini. Au dessert, il y aura une autre surprise. » En parlant ainsi, elle regardait du coin de l'œil un paquet mystérieux à l'égard duquel la comtesse feignait l'indifférence la plus grande. Le moment venu, le paquet laissa voir une bouteille de mouette et une botte de rose que l'enfant offrit à sa mère en se jetant à son cou. « Oh, les belles fleurs !» disait la comtesse en jouant l'ignorance. « Mais pourquoi ? Est-ce que c'est ma fête ?»« Oui, vraiment, la Sainte-Claire tombe demain. Tu y as donc pensé, chérie ?» Lucien Sireuil offrit une touffe de violette et le verre à la main porta un toast aussi galamment tourné que s'il l'eût débité devant 50 personnes. Paul, un peu dépaysé au milieu de cette joie, regardait la scène, attendant son tour de dire quelque chose. Quand les verres furent vidés, il se leva, cueillit une fleur de rhododendron sauvage encore fraîche à l'un des buissons voisins et s'approchant de Claire. « Madame, c'est l'offrande d'un pauvre, mais d'un pauvre sincèrement, éternellement reconnaissant envers sa bienfaitrice. » Il était fort ému, et chacun pouvait voir briller ses yeux humides. Tandis que Madame de Chalonne lui tendait la main sans répondre, elle n'était pas beaucoup moins agitée. La petite Marthe était déjà debout et, sans pitié pour l'embonpoint sexagénaire de Sireuil, l'entraînait vers la pente voisine où une plaque de neige éblouissante l'attirait. « Quand maman est triste, murmurait-elle à son compagnon, elle aime qu'on la laisse. Mais Monsieur de Chérency ne l'ennuiera pas parce qu'il a du chagrin aussi. » Restés seuls à leur place, à l'ombre du vieux pin sur le gazon vert, ces deux attristés regardaient couler l'eau, si transparente qu'on l'eût prise pour de l'air liquide. Paul fut demeuré ainsi des heures. Quant à la comtesse, on voyait qu'elle avait quelque chose à dire, quelque chose de difficile, et qu'elle cherchait son exorde. S'efforçant de rendre sa voix très douce, à quoi elle ne parvint que trop, peut-être, Claire, après un silence, parla ainsi. « Tout à l'heure, vous avez dit que je suis charitable, et j'accepte le mot. Vous avez compris pourquoi, malgré mes goûts et mes devoirs de retraite, je vous ai ouvert ma porte comme je l'ai fait. Ne revenons pas là-dessus, ni aujourd'hui, ni jamais. Maintenant, ma tâche est accomplie, et je me réjouis de penser que vous n'avez plus besoin de moi, au moment où mon rôle de sœur de charité allait devenir plus difficile. En venant ici, mon vieil ami Sireuil m'annonçait qu'il part demain. » Paul tressaillit, soupira, baissa la tête. « Et vous ne pouvez plus me recevoir, lui parti, » acheva-t-il. « Voilà ce que vous avez à me dire. C'est vrai. Je n'ai jamais entendu sortir de votre bouche une parole qui ne soit vraie, juste et bonne. Eh bien, je vais partir alors, moi aussi. J'aurai toujours gagné 3 semaines sur la tristesse de ma vie. Cette tristesse va bientôt faire place au bonheur. » Cela, c'est le secret de l'avenir et de ma destinée. Une chose est certaine, mais elle était prévue, il faut que je parte. Déjà mes plans sont faits, et les résolutions ne traînent pas avec moi. Nous allons, si vous le permettez, regagner la ville ensemble. C'est encore 2 heures à passer avec vous. Qui sait quand j'aurai la même joie désormais ? Et tout votre attirail de peinture, dit madame de Chalonne sans répondre. Je laisse tout à l'auberge du pont d'Espagne où sont vos chevaux, car j'y remonterai ce soir, mes affaires réglées en ville. Demain, au jour, je serai aux aguets sur le sentier, et les premiers montagnards espagnols, rentrant chez eux, me serviront de guide pour moi-même, de porteur pour mes bagages. Comment ? S'écria Claire. Vous allez en Espagne ? Oui, au bain de Panticosa. Et il paraît que c'est un site admirable. Pourquoi me regardez-vous de cet air singulier ? Parce que ce n'est pas pour Panticosa qu'il faut partir, mais pour Paris. Vous y trouverez une personne que je chéris comme une sœur, et qui mérite tout le dévouement dont votre cœur est capable, et qui ne peut être heureuse sans vous. Une ombre passa sur les traits abattus de Paul. Il releva lentement la tête, et les yeux fixés sur madame Chalonne, il demanda « Que voulez-vous dire ?»« Une seule chose, qu'il faut retourner à Paris. Monsieur de Chérency, vous me connaissez. Pour sauver ma propre vie, je ne vous conseillerais pas de faire ce que l'honneur le plus chatouilleux. Ah Dieu, comprenez-moi, il y a des choses que je ne peux pas dire, que je ne peux pas savoir même. » C'est vrai, dit Paul. Puis, après un instant de silence, je ne vous comprends qu'à moitié, mais je vous crois la loyauté même. Seulement, je m'attendais si peu, je pensais que j'étais oublié, je tâchais d'oublier aussi. Quel choc me causent vos paroles. Il faut que je me remette, que je m'examine, que je me questionne moi-même. Non, en vérité, je ne saurais retourner comme cela, si tôt, là où vous dites. Claire, en ce moment, trouvait que Chérency parlait fort bien. Sans doute, elle se fut réjouie pour Nadia de le voir s'élancer, oubliant tout, à commencer par elle-même, comme l'exilée à qui l'on a rouvert les portes de sa patrie. Mais puisqu'il prenait la chose autrement, elle ne pouvait s'empêcher de l'approuver dans cette sage défiance de ses forces. Elle était satisfaite, sans s'en douter, de voir que le malade soigné par elle n'oubliait pas trop facilement sa maladie. Elle avait du plaisir aussi, un plaisir singulier, à considérer d'un air distrait, au bout de ses doigts blancs, la fleur que Chérency lui avait offerte avec des paroles si profondément émues. Le jour était radieux. Le soleil brûlant dégageait du sol et de la ramure sombre des pins mille odeurs d'une violence capiteuse, tandis que la brise fraîche des hauts sommets apportait par intervalles au front une caresse attendue. Au loin chantait la symphonie des grandes cascades aux voix puissantes. Mais au pied de cet homme et de cette femme qui souffraient, qui raisonnaient, qui luttaient entre eux de beaux sentiments et de belles phrases, qui se disaient adieu pour longtemps, pour toujours peut-être, on entendait comme le petit rire cassé contenu d'un vieillard incrédule. C'était le ruisseau qui coulait, sans se presser, à travers la prairie, choquant sournoisement les cailloux à peine recouverts par son eau limpide. Sans doute la jeune femme entendit ce rire moqueur. Elle tressaillit. Son beau visage fut coloré d'une teinte plus chaude, sa main fit un léger mouvement. La petite fleur, prise par le courant, s'enfuyait déjà vers les chutes écumantes où les grands arbres eux-mêmes sont brisés. Et cependant le ruisseau riait toujours. Paul, regardant s'éloigner la fleurette rouge, dit à demi-voix, comme se parlant à lui-même, « Elle sera plus vite que nous à Cotteret. » « Oui, reprit madame de Chalonne d'une voix grave, « elle suivra la voie qu'elle doit suivre. » « Heureuse ou malheureuse, qu'importe. Monsieur de Chérency, faites comme elle, suivez votre voie, écoutez votre devoir, allez à Paris. » Elle parlait d'une voix nerveuse avec une sorte d'irritation, car si ce départ lui paraissait une chose naturelle, juste, nécessaire, encore éprouvait-elle un déplaisir secret à se voir obligée de signer elle-même le passeport de Chérency. « Pas tout de suite, » répondit-il encore une fois, « en ce moment je ne pourrai pas. Pourquoi ?» insista la comtesse, « rien ne vous empêche de retourner à Paris sur l'heure. Je dis rien, vous m'entendez ?» Paul se leva, dominé par un grand trouble. « Rien ? » s'écria-t-il. « Rien, en dehors de moi, c'est possible, mais en moi. Savez-vous quelles blessures font au cœur la trahison, l'ingratitude, l'injustice, même inconsciente, même causée par la faiblesse ? Même pleurer, expier, réparer ? Claire de Chalonne ne put en dire davantage. Marthe accourait, portant dans ses mains rougies une boule de neige à demi fondue. « Comme c'est drôle » cria-t-elle de loin à Chérency. « De la neige au mois d'août est si froide, voyez plutôt !» Paul, sans rien dire, prit le glaçon et le promena longtemps sur son front et ses tempes brûlantes. Une heure après, la cavalcade augmentée d'un piéton repassait le pont d'Espagne et redescendait vers la ville. Paul, quand le sentier le permettait, marchait à côté du cheval de la comtesse. Il avait annoncé son départ, et sa tristesse frappante avait déteint sur tout le monde. La descente s'effectua presque en silence, parvenue à la raillère. « Adieu, madame, » dit Paul. « Nos chemins bifurquent ici. Dieu sait quand ils se rejoindront. Demain, à votre réveil, ayez une pensée pour le voyageur qui franchira la montagne. Ainsi vous êtes décidé, vous remontez là-haut. » Comme il faisait de la tête un signe affirmatif, « Tenez, » dit-elle avec une résolution subite, en tirant de sa poche la dernière lettre de sa cousine. « Prenez ceci et lisez-le. Peut-être vos projets changeront-ils. » Dès que Paul fut seul, il parcourut tout en marchant les lignes d'une écriture qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. Son émotion fut grande. En son cœur, des résolutions contraires se combattirent. Mais quand il parvint à son logis, quand il revit cette chambre où il avait passé tant de nuits d'insomnie, l'homme l'emporta sur celui que la pauvre Nadia appelait un ange. Il tomba dans un fauteuil et, cachant sa tête dans ses mains, « Je ne peux pas encore, » gémit-il. « Dieu m'est témoin que je le voudrais, mais je ne peux pas. » À la nuit, brisé de secousses morales et de fatigue physique, il reparaissait à son auberge du pont d'Espagne. Après une nuit interminable, l'aurore lui permit de quitter son lit. Une heure après, des portefaix de Panticosa se partageaient ses légers bagages et il se mettait en route avec eux. Avant midi, ses pieds foulaient la neige de la passe du Mercado, à 8000 pieds d'altitude, et il commençait à descendre les pentes désolées du versant espagnol. Presque à la même minute, Lucien Sireuil quittait Cotteray. Le soir, à 10 heures, comme Claire de Chalonne achevait dans la solitude une veillée qui lui avait paru lugubrement triste, un homme déguenillé, chaussé d'espadrilles, vrai type de bandit, frappait hors d'haleine à sa porte. Claire accourut au cri poussé par sa femme de chambre, parisienne peu habituée à des visiteurs aussi mal vêtus, et à travers la grille du petit jardin, elle essaya vainement de se faire comprendre de l'inconnu rébarbatif. Mais dans les explications qui multipliaient en son affreux patois aragonais, un mot revenait toujours, « Panticosa ». En même temps, à travers les barreaux, il tendait une lettre. Saisie d'un noir pressentiment, Claire prit la lettre et s'empressa de retourner près de sa lampe, afin de la lire non sans avoir donné l'ordre que l'express fût introduit et bien traité. « Madame la comtesse n'a peur de rien, » disait la soubrette à sa compagne, en dévisageant l'espagnol qui était un gars superbe. « Tout de même, je ne l'ai pas vu plus saisie le soir où je lui donnais la dépêche qui annonçait la maladie de feu mon maître. » Pendant ce temps-là, Claire de Chalonne lisait ce qui suit. « Bain de Panticosa, le 14 août 1880 et quelques, 5 heures du soir. Madame la comtesse. » Deux hommes de peine attachés à notre établissement viennent d'arriver de France, accompagnant un voyageur qui les a pris comme guide ce matin au pont d'Espagne. Cet étranger qui, au dire de ses compagnons, avait donné des symptômes de grande fatigue sur la fin de sa route, s'est évanoui sans avoir pu prononcer une parole en entrant dans mon bureau. Il était de mon devoir de chercher quelque indice me permettant d'informer sa famille d'une situation qui peut être grave. Je n'ai trouvé sur lui qu'une seule lettre, dont je reproduis l'adresse sur la mienne, vous laissant le soin de décider ce qui vous reste à faire. Notre hôte inconnu n'a pas repris connaissance. Il est soigné avec tout le zèle possible par nos deux médecins dont le diagnostic est grave sans être encore bien établi. Le porteur de la présente, que je vous expédie sans perdre une minute, a l'ordre de faire la route avec toute la célérité possible, malgré la nuit et les difficultés du trajet. Je suis, madame, avec bien du respect, votre serviteur dévoué, Cando, administrateur des bains.